On va parler de patinage de vitesse sur courte piste avec notre ami David Simard qui est à Calgary en passant. Salut David. Bonjour. David, je t'ai oublié hier, mais finalement ça a bien fait que je t'ai oublié parce que je suis pas sûr que tu aurais eu le temps de me parler pareil. Ouais, j'étais arrivé, mais mettons que mentalement, peut-être Hey, c'était-tu un beau voyage? Parce que Ah je ouais, savais une c'était chose. un super beau voyage. En fait, on était dans un nouveau complexe. Ben, j'étais dans un nouveau OK. complexe, pas dans un nouveau complexe. Un complexe, on a été ce qu'il y avait. Dans le fond, le Skago Batik, un gros complexe qui avait, en tout cas, tout ce qui était de Dominion, c'est la glace que Hockey Canada ont leur siège social, un peu, c'est l'endroit ce que c'est. On était sur la glace olympique, justement, de Hockey Canada. Donc, où ce qu'ils font leur entraînement, où ce que l'équipe féminine s'entraîne toute l'année pour les Olympiques, l'équipe masculine, les juniors, ainsi de suite, là. Fait que, on était un beau complexe d'entraînement. Un peu le même genre qu'au Centre Georges Vézina, sauf, mettons que différent, un peu plus d'argent. OK. Si on parlait maintenant de ce que tu as vu là-bas, je savais pas que, peut-être que tu me l'as dit, puis ça m'avait échappé, là, mais que Flavie Larocque Roy, qu'on a parlé l'an passé, qui vient de Roberval en passant. Oui. Je savais pas qu'elle était rendue à Calgary. Rendu à Calgary depuis le début de l'année. Là, je ne sais pas si ça va rester encore une année. C'était beaucoup pour apprendre l'anglais, puis dans le but peut-être de faire de l'école aussi là-bas. Là aussi, un centre d'entraînement là-bas a été accepté automatiquement parce que les critères sont moins gros aussi dans l'Ouest canadien. C'est plus facile de rentrer dans les gros centres. Là, présentement, dans une grosse équipe avec l'Oval Olympique. Donc, avec des entraîneurs comme Éric Bédard, tout ça, là, et Christina, qui ont déjà été à de haut niveau. Donc, c'était un peu une transition entre son cégep et le secondaire, en fait. OK. Donc, si on y allait maintenant avec Flavie Larocheroi, comment t'as trouvé ça? Très bonne compétition pour Flavie. Je pense qu'elle s'entendait beaucoup dans cette compétition. Elle était classée dans les premières. Je pense qu'il y a eu quelques déceptions dans la fin de semaine avec des chutes ou des contre-performances à certaines distances. Moi, j'ai trouvé. En tout cas, c'était un petit peu mitigé à ce niveau-là pour ma part. C'est sûr que moi, j'aurais aimé qu'elle performe beaucoup, mais elle a pas eu. On dirait qu'elle s'attendait beaucoup à des choses parce qu'elle a mis beaucoup de pression à ce niveau-là. Puis, pour la connaissance, en tout cas, il a fallu qu'elle soit un petit peu plus posée comme personne dans cette compétition, prendre ça plus un peu normal, là. Fait que, mais en tout cas, quand même des bonnes performances malgré tout. Mais c'était pas nécessairement escompté pour elle. D'après moi, elle s'attendait à beaucoup plus là. OK, Elle visait Mélina Tremblay. Mélina Tremblay, comme Mélina Tremblay. Pourquoi Mélina est là, hein? En fait, Mélina, c'est les juniors, les meilleurs juniors au Canada qui étaient là. Fait que Ah, Mélina, OK. elle était considérée comme les meilleurs juniors. On avait les 60 meilleurs juniors au Canada qui étaient là, sans compter eux qui étaient au niveau de la compétition senior qui s'étaient déjà préqualifiés. Fait que Mélina s'était classée là. Mélina, c'était la meilleure patineuse de nos filles du Saguenay, en fait, là. On avait pas beaucoup, on avait deux, on avait Ben trois, mais oui. c'était notre meilleure. Réussi à avoir une deuxième place au niveau du 1000 mètres, une petite péripétie au 1500 mètres qui a causé une chute en demi-finale qui n'a pas pu se rendre dans la dernière vague. Mais d'après moi, elle aurait été capable de faire un bon top, un autre podium à ce niveau-là. Puis par la suite, elle a eu une autre belle performance aux 500 mètres avec une vague B. Pour elle, c'est plus qu'escompté. Il y a une belle progression durant l'année. Elle est partie d'assez loin, d'avoir de la misère avec les entraînements, les maintenir, beaucoup de fatigue, obligée d'aller voir un médecin. Suite à ça, elle a corrigé certains problèmes, puis un retour en force à la fin de l'année. Je pense pour elle, c'est très bon. Ça ne s'attendait pas à ça. Puis, très bonne performance. Okay, Donc, une donc jeune patineuse. maintenant du côté de Laval, il y avait une compétition senior. Je vais y aller avec des résultats. Oui, Léonie on va y aller Bradette, en ordre. 20e au 1500 mètres, 17e au 500 mètres et au 1000 mètres et 12e au cumulatif. Est-ce que c'est C'est ça. intéressant pour elle? Pour Léo, je te dirais que oui. Cette année, c'est son meilleur ranking qu'elle a eu. Léo a un type de patin beaucoup plus agressif, un peu comme patineuse. Fait que des fois, le résultat ne représente pas l'effort qu'elle a mis. Mais cette fois-là, tout a été un peu aligné pour ça. Très bonne performance. Moi, j'ai regardé deux de ses courses, puis elle m'a beaucoup impressionné. Est-ce que t'es là? David? C'est bien, ça la met pour l'année prochaine dans une bonne position. Fait que j'ai bien hâte de voir. C'est son meilleur résultat à vie, je pense, au niveau compétition. OK. C'est un beau retour, puis ça m'est comme la motivée, je pense, pour la fin de l'année, pour le début de l'année prochaine en même temps. OK. Catherine, dans le cas de Catherine Mailloux, 28e au 1500 mètres, 12e au 500 mètres et 25e au 1000 mètres, et ce que 22e au cumulatif. Comment tu as trouvé ça? 500 mètres, je m'en attendais quand même assez forte aux 500. C'est une bonne sprinteuse. Pour les autres distances, un petit peu de difficulté dans les longues aux 1500 mètres cette année. Elle va avoir à travailler ça, je pense, pour elle. Elle le sait. Fait que c'est sûr que à son niveau, Catherine, on s'attend toujours un petit peu à plus, mais présentement, c'est bon pour elle. Le retour à la compétition au niveau senior, c'est très bien. Juste se classer, faire deux compés, c'est bon. Puis c'est des grosses compétitions, c'est du gros... C'est quand même du gros calibre, là, patiner contre les filles. Fait que quand même plusieurs fortes. Pour elle, c'est très bon. Karina Montminier, je voyais un pause de sa mère qui disait qu'elle est là pour prendre de l'expérience. La gueule de Karina, elle a été 26e au 500 mètres, au 1000 mètres disqualification, au 1500 mètres et 32e au classement final. Dans le cas de Karina, ce que sa mère disait, c'est que c'était là pour prendre de l'expérience. T'es d'accord? Oui, ben pour elle, c'est sa première expérience, premièrement au niveau senior. C'est une jeune junior. C'était la plus jeune un peu de toutes les filles qu'il y avait là. Pour elle, c'est sûr que c'était, ça allait peut-être un petit peu à plus à certaines distances, mais avec les qualifications, puis c'est le genre de course que ça occasionne, ça demande beaucoup d'apprentissage. Fait que la première compétition qu'on fait là, souvent on se plante un petit peu, puis on regarde qu'est-ce qui se passe, on s'attend à faire les mêmes stratégies qu'habituelles, faut que ça change un petit peu. On est à un nouveau type d'encadrement parce que moi, tant d'années que moi j'étais à Calgary comme entraîneur, moi c'est là que c'est moi qui l'ai toute l'année à travailler avec elle. Moi j'étais là-bas avec plus de patineurs un petit peu, puis je m'occupais de la région, on avait 6 en fait là-bas. Je compte 2 que j'avais au senior. Fait que pour moi, le choix, là, en fait, c'était d'aller avec le plus de patineurs possible pour l'encadrement. Fait qu'elle était un petit peu laissée, pas elle-même, parce qu'il y avait un entraîneur qui la supportait, mais c'était une entraîneur différent. Donc un encadrement différent. Le stress est là. Tu t'installes sur la ligne de départ avec une fille d'équipe nationale, là tu fais oups, c'est difficile. Fait que pour elle, c'était vraiment une prise d'expérience, puis je pense que c'était bon. Puis ça occasionne, ben ce que j'aime avec Karina, c'est une progression qui est tout le temps constante. Cette année, on a eu un petit peu plus de difficultés en début de saison, c'est normal. On était en transition avec plus de volume d'entraînement pour elle. Donc, même dans un programme sport-études, l'habitude à avoir un volume plus élevé, avoir plus d'entraînement, rentrer de l'entraînement musculaire à ce niveau-là. Fait que ça a pris une adaptation environ jusqu'à Noël. On a commencé à avoir des bonnes performances pour elle à la deuxième partie de la saison, puis elle était en progression constante jusqu'à la fin de l'année. Fait que pour elle, le championnat canadien senior était un point culminant pour elle. OK. Ben, David, est-ce que ça vaut le tour ou encore il reste une compétition? Oui, il reste encore le championnat québécois, mais il est un petit peu plus simple, le championnat québécois, fait que c'est plus relax pour nous, c'est pas notre gros championnat. OK, mais il y a quand même des résultats à commenter pareil, c'est ça? Oui. Ça va être quel, le championnat? C'est la semaine prochaine, oui. C'est la semaine prochaine après Pâques, c'est ça? Oui. OK, ben, on va s'en parler pour une dernière fois cette saison, donc tu permets? Oui, pas de problème. David Simard qui nous parlait des championnats seniors et également du championnat canadien qui a eu lieu à Calgary.